hein. Baba, Baril, réfléchis au fil. 9-5-RG, opération Carspeed. 357 CTM, 22 les rêves, adhésion, 41 israélites adhésifs. Le cœur provoque la haine, la rage fait perdre la raison. J'suis défaitiste, des géos plus qu'un fou triste. Nique le crif, le Christ, oublie fun. Goûte à la sauce depuis mes fleurs fan. Le manque de sous, personne n'est fier ou fan. J'allume une flamme, fume les ondes, jamais les ondes d'une femme. La branlette c'est mauvais, à chacun son portrait. La pénurie dans les blocs, sortez goûte ton Glock. Plus répète l'ami, j'veille la nuit. Sans mes potes, sans permis, sans capote. Baisse les putes, marque un but, 9-5-RG. Tri vers kaki, c'est te deuil pour ne froid bondier. Se prend peu de toute ma mif. Opération casse-pipe, on casse des dents. On vient dehors, on casse tout dedans. Opération casse-pipe dans le département. Là on les parle plus en permanence. 9-5-RG débarque dans ton appartement. Mais tu parles comment, tiens les commandes, on mène la danse. Opération casse-pipe dans le département. Là on les parle plus en permanence. 9-5-RG débarque dans ton appartement. Mais tu parles comment, tiens les commandes, on mène la danse. On va chercher la maille où elle est et on est là. Opération casse-pipe, t'es pas content, vire de là. Flo sorti de l'au-delà, c'est Dada qui pose là. Criminel, une fois de plus, voilà que j'ai baisé la version. 9-5-RG mission, donc m'amène attention. Ici c'est tard sur le microphone pour la consommation. Et ça part en casse-tête, casse-couille, opération casse-pipe. Tu demandes qui se type, moi c'est Dada. Opération casse-pipe dans le département. Là on les parle plus en permanence. 9-5-RG débarque dans ton appartement. Mais tu parles comment, tiens les commandes, on mène la danse. Opération casse-pipe dans le département. Là on les parle plus en permanence. 9-5-RG débarque dans ton appartement. Mais tu parles comment, tiens les commandes, on mène la danse. Pas petit phénomène, pas petit phénomène. Opération casse-pipe dans le département. Là où je me méfie tous les gens. À tout moment aucun de ces chiants puisqu'il ne mettra la main sur le butin. Aucun mot sur le projet du CAPS. Des JO Dada 5 heures avant le départ. On se retrouve à l'endroit convenu. Message reçu, silence radio. Fort en flou les caisses du crew. Objectif craquant, épaulé d'MC arrogant. La plupart du temps, assis sur tous les continents, déterre les armes et fait ce qui a été convenu au programme. Opération casse-pipe, enfin sur les lieux du crime. À chacun son poste, que tout se passe sans dérapage. 2 minutes 30 au chrono, épaillonne-moi tous les otages à chaque étage. Branche le scanner avant que le dîner vienne à nous et ramasse tout. On a tout misé sur le dernier coup. J'attends dans la roco au volant de la berline. Vite, plus le temps, 10 secondes avant la première patrouille. Patrouille. Opération casse-pipe dans le département. Là on les parle plus en permanence. 9-5-RG débarque dans ton appartement. Mais tu parles comment, tiens les commandes, on mène la danse. Opération casse-pipe dans le département. Là on les parle plus en permanence. 9-5-RG débarque dans ton appartement. Mais tu parles comment, tiens les commandes, on mène la danse. Opération casse-pipe dans le département. Là on les parle plus en permanence. 9-5-RG débarque dans ton appartement. Mais tu parles comment, tiens les commandes, on mène la danse. Opération casse-pipe dans le département. Là on les parle plus en permanence. 9-5-RG débarque dans ton appartement. Mais tu parles comment, t'as les commandes, on mène la danse.